peur d'aimer, de m'engager. Mais avec toi, je me sens bien. Et que m'importe ton passé? Ceux qui te jugent ne valent rien. Je suis timide, je n'ose te dire mes sentiments et mes envies. Je n'ai trouvé que ce moyen pour dire je t'aime, toi qui me fuis. La peur d'aimer est une prison où tous les mots sont enfermés. Oui, la peur d'aimer est un poison où meurent les cœurs tant déchirés. Quand tu arrives, tu me regardes, tu me souris, mais sur tes gardes. Il suffirait de toi un mot et je serais le plus heureux. Quand dans tes yeux, couleur de rêve, plonge mon regard si malheureux, ma vie enfin retrouve un sens. J'aimerais tant que l'on soit deux. La peur d'aimer est une prison où tous les mots sont enfermés. Oui, la peur d'aimer est un poison où meurent les cœurs tant déchirés. J'ai peur d'aimer. J'aimerais tellement te le prouver. Donne-moi la chance de t'aimer. S'il faut attendre, je t'attendrai. Sache que mon cœur est tout à toi. Et pourquoi pas tout un été, main dans la main, se retrouver à la montagne ou à la plage, cœur dans le cœur comme témoignage. Mais la peur d'aimer est une prison où tous les mots sont enfermés. Oui, la peur d'aimer est un poison où meurent les cœurs tant déchirés. J'ai peur d'aimer. J'ai peur d'aimer.